Si le 24 vieillard t'adore, à combien plus forte raison nous? Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, bosé ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada.